Aujourd'hui, on vous fait un tour de l'actu badminton, tous les sujets qu'on n'a pas pu évoquer dans les derniers épisodes, que ce soit les mondiaux Parabad, les championnats par équipe continentaux. On va parler également du cas de certains joueurs, Frédéric Saugard, Carolina Marin, le nouveau système de points. Tout ça, c'est dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. I'm the bad guy. Take that! Et je suis avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Benoît, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire ce format que toi et moi on aime plutôt bien parce que bah, y a toujours beaucoup de semaines de compétition et parfois aussi l'actu du bad est beaucoup plus calme qu'à d'autres moments. Mais là, on va faire un peu le tour, plus rapidement que ce qu'on fait d'habitude, de tous les sujets qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer dans les autres épisodes. Yes, et il y en a pas mal. C'est un format, c'est vrai que tu l'as dit, on l'aime beaucoup. Et comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, il y a deux, trois sujets qu'on s'est listés et qu'on a envie d'aborder. Voilà, exactement. On va commencer tout de suite par les championnats du monde Parabad qui se sont joués très récemment. C'était du 8 au 14 février et c'était à Bahreïn. Et Benoît, on va commencer... par celui par qui on commence quasiment toujours quand on parle de Parabad français. Il a décroché son quatrième titre de champion du monde après 2017, 2019, 2022 et maintenant 2026 en simple homme. Il s'agit de Lucas Mazur en SL4, Benoît, qui avait fait le bronze sur les deux dernières éditions. Là, il a repris son trône de bien belle manière. Ouais, il a repris sa couronne. Et tu me le disais justement, face à un joueur qu'il a eu du mal, mais c'était peut-être pas en finale. Je te laisserai me corriger après, quand il était mené 8-0, je crois. Et ouais, il a après Paris, il a un peu repris sa suprématie sur la catégorie. Ouais, Benoît... Tu l'as dit, t'as parlé de Paris, il est double champion olympique, maintenant quadruple champion du monde. Alors bon, en France, évidemment, vous le savez, on n'est pas calé Parabad. En France, il est clairement le meilleur joueur Parabad de l'histoire. Parce que en plus, Benoît, quand on va voir, on va parler après du bilan français, mais souvent, heureusement que Lucas Mazur est là, quoi. C'est encore plus vrai sur cette édition où on va... En tout cas, moi, je ne vais pas le cacher. On n'est pas des experts Parabad, tu l'as bien dit, mais on s'attendait à peut-être plus de médailles. Effectivement, l'or de Lucas Mazur sauve un peu quand même le bilan de l'équipe de France. Voilà, le bilan des derniers, je crois que c'était 3 médailles. Cette fois, c'est aussi 3 médailles, mais la dernière fois, c'était 3 bronzes. Et là, Lucas Mazur, donc, je l'ai dit, qui va chercher... sa quatrième médaille d'or. On ajoute ça à une médaille d'argent en 2015 et deux médailles de bronze en 2022-2024, plus des championnats d'Europe en veux-tu, en voilà. Je pense qu'on est, sur un palmarès très, très, très solide et il n'a que 28 ans. Donc, encore ouais. de belles perspectives. Je pense que Benoît, dans un coin de sa tête, même à 28 ans, je pense qu'il a carrément LA dans un coin de la tête, Lucas Mazur. C'est probable, peut-être qu'on aura l'occasion de le recevoir pour en parler avec lui directement, mais on peut imaginer que s'il est reparti après Paris sur une autre Olympiade, enfin sur un autre projet, c'est avec l'objectif d'une autre Olympiade derrière et potentiellement, forcément, LA et un troisième titre consécutif, il est déjà très clairement dans l'histoire du Parabad, pas que français et mondial, mais là ce serait carrément, je pense, difficile à battre. Deuxième médaille en simple, c'est celle de Maud Lefort. Alors, c'est la deuxième pour les Français, mais c'est aussi sa deuxième à elle, puisqu'elle avait déjà obtenu la médaille de bronze il y a 2 ans lors de la dernière édition. Elle va chercher une nouvelle médaille de bronze en catégorie SU5. Benoît, elle a que 19 ans. Maud Lefort, elle a un profil assez intéressant aussi. Et ben voilà, une deuxième médaille de bronze. Beau palmarès déjà à seulement 19 ans. Ouais, c'est un peu aussi le... Même si, tu l'as dit, c'est pas sa première médaille, mais c'est un peu le renouveau, j'ai envie de te dire, du Parabad français, parce que Lucas Mazur, il est jeune, mais il a déjà 10 ans de plus, tu vois. Clairement, Maud Lefort, je pense que Paris, c'était très tôt dans sa carrière. J'ai envie de te dire, malheureusement, Mais je pense que Los Angeles 2028, très clairement, elle sera encore très très jeune. Hein, et je lui souhaite qu'il y ait d'autres Olympiades derrière. Mais je pense qu'elle sera une candidate déjà très sérieuse, au moins à la médaille. Et la troisième et dernière médaille française, elle est également en bronze. Et elle est en double homme en fauteuil pour Thomas Jacobs et David Toupé. Alors Benoît, David Toupé, là on est, je vais choquer personne, sur une, encore une autre génération. Oui. Il a 48 ans et lui aussi il a un palmarès long comme le bras en double et en simple, mais en tout c'est sa sixième médaille sur les championnats du monde, une en or, une en argent et quatre en bronze. Et Thomas Jacobs, c'est sa deuxième en bronze déjà gagnée sur des championnats du monde. Là pareil, on est sur du beau palmarès parabad français. Pour moi, qui suis le bas de Parabad d'un peu plus loin, David Toupé, c'était un peu, pour moi, le premier vraiment dont je me souviens avoir retenu le nom et avoir vu jouer, je pense. Ouais, carrément. Bah, c'était un peu, ça a été longtemps le porte-drapeau de ce Parabad français. Alors, peut-être pas autant en termes de palmarès qu'un Lucas Mazur dont on vient de parler, mais en tout cas, ouais, fer de lance du Parabad français, ça c'est certain. Voilà, donc ils avaient déjà gagné le bronze ensemble il y a 4 ans à Tokyo et ils récidivent cette fois à Bahreïn en 2026. Et Benoît, pour les déceptions, voilà, on tape sur personne, évidemment. On pense peut-être, dans ce qu'on attendait un poil plus haut, peut-être à Charles Knox, qui est champion paralympique et qui a lui-même reconnu sur ses réseaux que bah, voilà, c'était pas vraiment le résultat qu'il attendait, mais que bah, voilà, il allait évidemment continuer d'essayer d'aller chercher ce titre. Et peut-être Meryl Lockett, qui était tête de série 2 dans son tableau et qui perd en quart de finale et qui donc est privée de la médaille aussi. Bah, clairement, mais Charles Knox, tu l'as dit, j'allais effectivement mentionner ce qu'il a dit sur ses réseaux. Ça vient pas de nous. Et je pense que quand tu es champion olympique, et surtout avec la progression qu'il a, et aujourd'hui, il est dans les joueurs qui dominent le circuit, très clairement, oui, il n'était pas venu pour ça. Et ouais, c'est... Je pense qu'il s'attendait, il espérait faire mieux. Après, il perd un match très serré contre un joueur qui fait demi-finale. Mais ça reste, je pense, une déception quant à son statut. Meryl Lockett, oui, tête de série 2, champion d'Europe, je ne sais pas si on l'a dit, mais il y a 3 ans maintenant. Disons qu'il était tête de série 2, mais à mon sens, il arrivait moins en favori pour une médaille qu'un Charles Knox. Exactement. Voilà, Benoît, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ces championnats du monde paralympique. Juste peut-être un manque de médiatisation, tu vois, et je nous mets en premier parce que je ne sais pas si on peut se prétendre expert du bad français, j'ai pas cette envie là, mais en tout cas on parle beaucoup de bad français et nous les premiers, on n'en parle qu'aujourd'hui et globalement, je trouve que la com autour de cette équipe de France Parabad pour ces championnats du monde, je tape sur personne, mais ça a été quand même assez minimaliste. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et aussi, Benoît, les hasards du calendrier qui a fait que c'était la même semaine que les championnats... Enfin, les hasards du calendrier, non, puisque c'est la BWF qui choisit, mais que c'était la même semaine que les championnats d'Europe par équipe et qui donc en France... Bah, ça a été bien éclipsé par le titre des garçons, oui. ça a pas aidé non plus. Non, pas ouf, mais ça, enfin, on parle juste nous à l'échelle européenne, mais on va en parler juste après. Il y avait quand même tous les championnats continentaux, dont certains championnats continentaux individuels, mettre ça la même semaine que des championnats du monde parabad. Voilà. Et ça, c'est pas la faute de la Fédé française ou de qui d'autre, c'est la faute de la BWF. Benoît, on devrait en faire un jingle parce que je pense que ça revient souvent cette phrase, c'est la faute de la BWF. J'ai décidé que ce serait ma DA de cette année, je l'avais annoncé dans nos prédictions et j'irai jusqu'au bout. En vrai, j'aime beaucoup, restez en 2026 hein, parce que je pense qu'on va bien rigoler dans ce podcast. Justement, transition parfaite puisque on enchaîne sur les championnats continentaux. I'm the bad guy. Take that. Bah oui, vous le savez, souvent les fédés continentales et les confédérations continentales essayent de se caler en même temps pour que tout le monde joue. Alors elles n'ont pas toutes fait le même choix puisque en Océanie par exemple et en Afrique on a aussi joué les championnats continentaux individuels, ce qui n'a pas été le cas par exemple en Asie ou en Europe. Pour rappel, si vous avez raté si vous attendez le débrief des championnats d'Europe par équipe, allez écouter notre épisode de la semaine dernière. titre des Français historique chez les hommes et titre tout aussi historique des Bulgares chez les femmes. On a un gros débrief d'une heure qui vous attend. On va commencer, Benoît, par l'Asie. Et Benoît, c'est un peu toujours la même rengaine, c'est que dans tous les continents, on sort, tout ce qu'on a de meilleur, sauf en Asie où ce genre de truc, on le prend un peu pour déconner, quoi. ça n'empêche pas qu'on voit du niveau qui est peut-être plus élevé que sur tous les autres continents. C'est même sûr, d'ailleurs. Mais vous attendez pas à voir les pays asiatiques sortir la tirée lourde. Ce qui n'empêche, titre des Japonais, Benoît, chez les hommes, victoire 3-0 contre la Chine. Alors, il y a quand même des joueurs qu'on connaît, hein. Par exemple, chez les hommes, au Japon, on avait du Yushi Tanaka, du Koki Watanabe. Dans l'équipe chinoise, on a Wu Zehan qui était simple homme 1 et Ren qui ont joué double homme 1 et qui ont d'ailleurs perdu cette finale. Chez l'Indonésie qui a fait demi-finale, on avait du Ubaidila, Arjanto Karnando. Et la quatrième équipe médaillée, pour être un peu complet, c'est la Corée, qui avait sorti du kimono, par exemple, mais qui était un peu... je vais pas dire le seul joueur de bad, mais largement au-dessus du reste de son équipe. Ouais, j'ai même pas envie de rebondir. Je pense que t'as tout dit, t'avais pas besoin de moi. Hein. Ok, bah c'est super. Non, mais on n'a pas... La vérité, c'est ce que t'as dit, c'est que... on va débriefer ça, mais en Europe, on peut critiquer le niveau de certaines équipes qui baissent ou quoi, mais chacun vient avec ses forces ou alors ne vient pas. Mais on n'a pas parlé de l'équipe chinoise qui était là, mais chez les filles, tu vois, c'est une compétition prise pas par-dessus le bras parce qu'il y a quand même des bons joueurs, mais c'est une compétition de développement, quoi. Oui, c'est ça. Il faut l'avoir comme ça et pas autrement. Chez les femmes, c'est la Corée qui s'impose. La Corée qui est peut-être finalement le pays qui a le plus joué le jeu, sorti notamment sa gigastar Han Se-young qui a gagné ses matchs assez tranquillement, qui a même pas joué en demi, mais qui gagne son match en finale. Baek, Anna était là, Kim. Donc on a testé un peu des paires. Kim Ga-eun était là. On a testé un peu des paires pour la Corée, mais ça passe 3-0 contre la Chine en finale. Qui n'avait clairement pas ses meilleures joueuses. Jia Yifan était là et elle a joué avec Zhang Shuxian. Donc cette paire était pas mal, mais elles ont quand même perdu. Elles ont quand même perdu en finale. Médaille de bronze pour Taïwan ainsi que l'Indonésie. J'imagine que t'as pas grand chose de plus à rajouter, Benoît. Et Benoît, c'est pour le coup. Alors en Europe, on est content et tout, mais là, comme en Asie, on est déjà qualifié pour Thomas Uber Cup et tout, laisser un peu de repos aux joueurs, en vrai, c'était pas si mal non plus. Oui, c'est pas les mêmes enjeux. Je pense que les équipes qui sont là, alors je vais pas critiquer la compétition, mais tu vois, nous en tant que Français, clairement gagner les championnats d'Europe par équipe homme-femme et mixte, c'est un objectif de saison quand ils sont là. Je pense qu'en Asie, l'objectif de saison, quand t'es la Chine, le Japon, la Corée ou l'Indonésie, c'est gagner la Sudirman, la Thomas ou l'Uber. Exactement. Double victoire du Canada chez les hommes et chez les femmes qui battent deux fois les États-Unis en finale. Alors, autant chez les hommes, c'était assez prévisible parce que quand tu vois les deux simples qu'ils ont, Victor Lai et Brian Yang, même en double homme, c'est pas mal. Je pense qu'on pouvait s'y attendre. Autant chez les femmes, pour moi, c'était, je voyais un peu les américaines favorites, mais la défaite de Zhang Beiwen contre Michelle Li dès le premier match a un peu précipité la chute des américaines parce que même si elles ont gagné les deux doubles, en simple, elles perdent les deux. Je crois que Benoît, tu me disais que c'était la première fois que le Canada gagnait les deux. Non, c'était pas la première fois parce qu'ils étaient déjà double tenant du titre de mémoire. J'ai plus la stat, mais ils étaient double tenant du titre, c'est certain. J'ai plus la stat, mais c'est pas la première fois du coup. Mais comme toi, je pense que le tournant du simple dame, le simple dame, pardon, était plutôt le tournant, quoi. Oui, et là, pour le coup, c'est cool de voir que des joueuses comme Zhang Beiwen et Michelle Li vont encore se battre pour leur pays. Et aussi, préciser, on en parlera à la fin, que pour tous les continents, en fait, c'est qualifié. Quand tu gagnes, tu es qualifié pour la Thomas et l'Uber Cup. Donc là, pour le coup, il y a un vrai, vrai, vrai, y a un vrai, vrai, vrai enjeu, puisque beaucoup de continents n'ont qu'une seule place. Et pays qui viennent, pour le coup. Oui, carrément, carrément. Benoît, du côté de l'Afrique, chez les hommes, victoire de l'Algérie, 3-2 en finale contre Maurice. Et chez les femmes, victoire de l'Afrique du Sud, 3-1 contre l'Égypte en finale. Je te laisse en parler un peu. J'avoue que les Sud-Africaines, je les connais pas, à part Joanita Scholes, dont j'avais entendu parler. Mais pour moi, l'Égypte était un peu la place forte du bad féminin en Afrique. Et ben, visiblement, plus tant que ça. Plus tant que ça, c'est... Alors, je sais plus avec qui on en parlait, pas récemment, mais on en a parlé et on nous a dit quand même qu'il y a des pays qui travaillaient bien, voire même très bien. On nous avait cité l'Afrique du Sud de mémoire. Effectivement, on est encore une fois pas des spécialistes du bad africain et on va pas s'inventer une connaissance qu'on n'a pas, mais c'était notamment avec le Nigeria, des pays qui travaillaient pas mal. Donc, aussi une récompense pour ça, parce que effectivement chez les garçons c'est un peu plus compliqué, mais chez les filles ça travaille pas mal et c'est des joueuses que nous on voit pas mais qui gagnent quand même pas mal de titres sur le circuit africain. Vous l'aurez compris, c'est le thème de cet épisode, c'est qu'on parle de sujets où on ne connaît absolument rien. Donc venez pas nous attaquer pour ce qu'on a dit, parce qu'on a fait le disclaimer au début, on sait rien du tout. Et Benoît, on finit avec... Ah, est-ce que tu veux dire un mot peut-être des championnats individuels en Afrique ? Ça, on peut, si tu veux. Bah, vas-y, je t'en prie. Du coup, en simple homme, victoire de El Gamal, l'Égyptien. Simple dame, une demi-surprise, parce que je pense que les autres noms vous parlent, mais pas celui-là. Fadila Mohamed Rafi, l'Ougandaise. Mamery Medel en double homme, ça c'est pas une surprise. Ackermann Scholes dont tu parlais, mais du coup voilà, ça aussi en dit long. C'était pas un événement isolé, l'Afrique du Sud chez les dames par équipe, et la fratrie Mamery en double mixte. Honnêtement, je sais pas si ça arrivera, mais c'est des joueuses et joueurs qu'on a envie de voir plus. Je dis surtout joueuses parce que les joueurs, on les connaît, El Gamal et les joueurs algériens que je viens de citer, on les voit déjà un peu. Mais en simple dame, la finaliste Joanita Scholes aussi, qui a gagné le double dame. Moi, c'est des joueuses que j'ai envie de voir un peu plus se confronter à des joueurs européennes, tu vois, sans parler du niveau asiatique, mais aussi, voilà, ça soulève tous les sujets qu'on connaît, l'argent, etc. Surtout l'argent. Surtout l'argent, la fratrie Mamery était venue nous en parler très justement, Georges-Julien Paul aussi, qui est d'ailleurs en bronze en simple homme. Et ça en dit long parce que les trois joueurs médaillés sur quatre viennent de Maurice chez les hommes. Donc une belle récompense aussi, mais ça en dit malheureusement trop long de voir ces gars-là et ces filles-là à ce niveau-là et de ne pas après les revoir sur le circuit parce qu'il n'y a pas l'argent pour qu'ils puissent être là plus souvent. Et maintenant qu'on a poussé un peu le coup de gueule sur la partie, enfin coup de gueule pas du tout, mais qu'on a dit un peu qu'on était un peu déçus de ne pas plus voir ces joueurs, on ne l'a pas dit, mais la fratrie Mamery, sixième titre consécutif en mixte, autant vous dire qu'on est sur quelque chose de très très sérieux. On a parlé des joueuses de l'Afrique du Sud. Amy Ackermann, elle était tenante du titre, pas avec la même partenaire, mais elle était tenante du titre. Et El Gamal, c'est son deuxième titre, mais au Peyori, le Nigérian que beaucoup, je pense, connaissent à minima par son nom, il était quadruple tenant du titre, donc pareil. C'est un changement aussi sérieux et la l'Ougandaise, c'était pas son premier titre non plus, mais je pense que peu connaissaient son nom, c'est son deuxième titre, elle en avait déjà remporté un il y a 3 ans. Voilà, je sais pas si ça te fait réagir, mais en tout cas, il y a des tableaux où en Afrique on est sur des changements et d'autres où vraiment il y a une hégémonie qui est installée. Non, mais oui, c'est vrai, c'est ce qui m'a aussi choqué en regardant un peu les résultats, c'est que les noms que je connaissais commence à laisser la place à des joueurs et joueuses plus jeunes aussi en Afrique, ce qui est peut-être une bonne chose, je sais pas trop. On finit avec, enfin on finit pas l'épisode, mais on finit cette partie avec l'Océanie. Le podium, c'est le même chez les hommes et chez les femmes. L'Australie en 1 qui bat la Nouvelle-Zélande, même score, 4-1 chez les hommes, 4-1 chez les femmes. Et du coup, Nouvelle-Zélande en argent. Et c'est Tahiti qui prend le bronze dans ces deux tableaux, en battant la Nouvelle-Calédonie pour la troisième place chez les femmes et en battant les îles Mariannes chez les hommes. Je ne sais pas si tu veux Je veux dire quelque chose. L'Australie, on connaît, bon, on connaît quand même pas mal de, on connaît pas mal de joueuses, que surtout chez les femmes, notamment la paire Hugh Somerville qui a aussi gagné l'individuel sans grande surprise. Donc déjà quand tu les sépares, eh ben en finale ça fait déjà 2 points par exemple. Ouais, c'est ça. Après bon, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est un continent où, on connaît les deux finalistes des deux tableaux oui. Quasi à chaque édition. Il y a pas vraiment de surprise, pas vraiment de suspense. Il y a des écarts de niveau assez monstrueux et là où l'Afrique peut être intéressant très souvent, que ce soit en individuel ou en par équipe, parce qu'il y a des équipes assez resserrées en termes de niveau, c'est quand même beaucoup moins le cas en Océanie. Oui, surtout qu'en plus l'Australie maintenant a une politique de naturalisation de joueurs qui sont souvent formés par exemple en Indonésie. Donc ça relève encore un peu plus le niveau de ce pays et ça rajoute de l'écart par rapport aux autres aussi. Ouais, et je sais pas si tu l'as. Est-ce que Nozomi Shimizu, et je sais, j'ai pas regardé, mais je l'ai pas vu sur la demi et la finale, mais je sais pas si elle était là. Mais ça, c'est aussi des joueurs japonais, tu vois. Donc, oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, donc avec tout ça, je l'ai dit, on a les qualifiés pour la Thomas Silver Cup qui se joueront fin avril au Danemark, évidemment, on en reparlera. Et Benoît, on va s'intéresser vite fait aux équipes de France quand même, parce que pour voir un peu leur chance. Donc chez les hommes, on est dans le pot 2, donc en gros il y a 16 qualifiés, pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Donc par exemple la France chez les hommes qui est pot 2, eh ben, elle va jouer une équipe du pot 1, une équipe du pot 3, une équipe du pot 4 dans son groupe, et il faut qu'elle fasse top 2 pour se qualifier pour les quarts de finale. Ce qui fait que la France dans le pot 2 pourra jouer une équipe parmi Chine, Indonésie, Taïwan, Japon, une équipe parmi Corée, Thaïlande, Canada, Angleterre, et une équipe parmi Allemagne, Australie, Suède, Algérie. Et donc, je termine les qualifiés pour être complet. La France est dans le même pot que Danemark, Malaisie, Inde, donc des équipes qu'elle n'affrontera pas en groupe. Benoît, on est encore... Tu sais ce que je vais te dire. On est encore... Oui, je sais, ça me fait chier parce que je voulais te le demander. Vas-y. On est encore tout en haut, on n'est pas redescendu. On n'est pas redescendu après le titre des Français européens. Concrètement, je vais pas trop, il faut pas trop fanfaronner d'avance, mais on va massacrer tout le monde. En fait, moi je me demande qu'est-ce que c'est ma poule de rêve. Voilà, c'est ça. Mais franchement, il y a un monde où moi je me vois sortir premier d'une poule où oui, certes il y a des équipes du chapeau 1, du pot 1 d'ailleurs, ça s'appelle, t'as raison. Mais franchement... Moi, j'ai envie de dire, on va pas être petit bras en arrivant en tant que fan de l'équipe de France. Hein. Non, mais en fait, Benoît, nous, notre force, c'est clairement le simple. Oui. On va croiser très fort les doigts pour que les Popov, Lanier et Merclé arrivent pas blessés et en forme. Mais il y a des équipes, tu vois, genre si on prend Taïwan, par exemple, Taïwan, ils vont faire comment pour gagner un simple contre nous? C'est miracle Shu Tianchen. Après, il faut dire les choses aussi, c'est que ces équipes-là, Taïwan, c'est le parfait exemple. Pour moi, ils partent à 95,5% 2-0 parce que les double hommes, je veux faire offense à personne, mais ils sont largement au-dessus. En simple homme, il y a le risque que Wang Tsuwei, Shu Tianchen, je cite les trois meilleurs, et Li Chunyi, t'es pas à l'abri qu'il y en ait un qui t'en sorte un, tu vois. Ouais. C'est là le risque, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je joue Taïwan demain. Je me dis que la France, c'est droit dans les yeux, voire plus. Ouais, un peu pareil avec le Japon qui a le même profil d'équipe, même si globalement meilleur que Taïwan. Si on prend la Chine, je ne vois pas gagner. Si on prend l'Indonésie, l'Indonésie, il faudra pas que tu te rates pas contre Christy et Farhan. Alors ça fait beaucoup de si, mais. C'est dur hein, quand même. Ouais. Mais Benoît, le plus important, c'est pas ces équipes-là. Le plus important, c'est de battre Corée, Thaïlande, Canada, Angleterre. Et là, il y a des gros écarts de niveau. Je pense que si tu prends si tu prends la Canada et si tu prends la Corée, c'est pas la même chose quand même. Donc va falloir être un peu chanceux au tirage. Et le chapeau 4, Allemagne, Australie, Suède, Algérie, normalement, n'importe lequel des 4, c'est une formalité pour l'équipe de France. Oui, après, le Canada, on ne l'a pas dit, mais ils ont des meilleurs joueurs de simple homme que, la Corée. Je balance l'info comme ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que la Corée, avec les joueurs de simple qu'ils ont, ce n'est pas un si mauvais tirage parce que, ok, on se fait peut-être massacrer en double, mais en simple, bon. Normalement, je suis moins inquiet que les solistes taïwanais, par exemple. Ouais. Ou thaïlandais. Thaïlandais, c'est un peu un piège, la Thaïlande, quand même. Hein. Parce que si t'as Viti Tsarn, si t'as un Taira Ratsakul en forme. Ça peut être chiant. Ouais. Surtout quand en double homme, tu vois, tu sais jamais, un Poivar Anoukro qui est sur un nuage, pour moi, ça peut battre n'importe quelle paire française. Donc. La Thaïlande, j'ai pas envie de les prendre non plus. Donc voilà, faut pas se cacher non plus. Faudra faire top 2 éventuellement, et après voilà, après une fois que t'es en quart de finale, faut prier d'avoir un bon tirage, parce que si tu fais deuxième, tu sors un premier. Et voilà, je pense que si on arrive à éviter si on évite la Chine en poule, et éventuellement si on va en quart et qu'on les évite encore, on pourra dire qu'on a eu beaucoup de chance. Et d'ailleurs, Benoît, du coup c'est un peu mon prono, mais même si la Chine a peut-être pas des double hommes aussi forts que ce qui a été par le passé, je vois pas trop qui peut les battre sur cette Thomas Cup. C'est une question que je me suis pas posée, mais j'ai tendance à te rejoindre un peu. Il n'y a pas d'équipe ultra complète comme la Chine a pu être par le passé d'ailleurs, ou même le Japon l'a été plus. Il y a quand même des équipes qui ont des faiblesses. Soit sur les doubles, soit sur les simples, la Chine fait quand même office d'équipe peut-être la plus complète, ouais. Voilà, en tous les cas, j'ai trop hâte, hein. ça va être assez dingue. On en fera peut-être une preview d'ailleurs. On fera des pronos un peu plus poussés quand on aura le tirage. Je pense que là pour l'instant, c'est encore assez tôt. Les qualifiés pour l'Uber Cup, donc la compétition féminine, donc la France est qualifiée. Alors, si j'ai bien compris, vu que vous l'avez compris, on n'a pas été médaillé sur ces championnats d'Europe, on est qualifié parce que. Il aurait dû avoir 4 équipes européennes, mais il y en a une cinquième puisque le Danemark était qualifié automatiquement en tant que pays hôte. Et ce qui fait qu'on est la meilleure équipe au classement non qualifiée. Du coup, on est qualifié, mais du coup, on est dans le pot 4. Ce qui fait que on va manger du très très lourd, hein, ça c'est sûr et certain. On va manger une équipe parmi Chine, Corée, Japon, Taïwan, une parmi Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Inde. Une parmi Danemark, Canada, Bulgarie, Turquie, et on ne jouera pas donc dans les équipes du même pot que nous, c'est-à-dire l'Ukraine, l'Australie et l'Afrique du Sud. Benoît, l'équipe de France qu'on a eue là sur ces championnats d'Europe, on verra où en est Léonie Sué, je ne sais pas trop, mais à part elle, ça m'étonnerait qu'on ait une équipe très différente de ce qu'on a vu là récemment en Turquie. Donc, allez, tu peux peut-être espérer un exploit contre l'équipe du pot 3. Peut-être que si on rejoue la Bulgarie ou la Turquie, on a vu que c'était pas passé si loin. Peut-être que tu peux espérer un exploit, mais ce sera pas plus. De toute façon, chez les femmes, entre les équipes du pot 1 et 2 et les équipes du pot 3 et 4, il y a un clair écart de niveau. Oui, quand tu me citais les pots, d'ailleurs, je me notais que à l'intérieur des pots, c'était quand même plus homogène que certaines équipes dans le même pot chez les hommes. Maintenant, honnêtement, la France dans ce pot 4, elle est à sa place. C'est déjà, tu l'as dit, par les circonstances, un quasi-miracle d'être invité à l'Uber Cup. Est-ce qu'elle ira? On peut imaginer que oui, puisque c'est au Danemark. Maintenant, on va se poser la question. Pardon, vas-y. Non, mais il y a aussi. Il y a aller, je pense qu'on va y aller. La question, c'est avec qui? Ah oui. En fait, pour moi, il y a deux stratégies. Est-ce que vraiment on donne la place à des jeunes et vas-y, let's go, Léana Laurent, tout un maximum de jeunes joueuses qu'on estime demain avoir un avenir en équipe de France, et vas-y, let's go, quitte à ça me ferait chier parce que c'est pas bien pour elle, mais Léonie Sué, Romane Clotofoucault, qui sont pas vieilles, hein, mais tu vois, où on se dit c'est quand même pas l'équipe de France de Los Angeles ou l'équipe de France de 2032, on les enlève, Rosie Pancassari évidemment, et du coup on n'amène que des jeunes joueuses, ou alors vraiment on essaie de motiver une Delphine Delrue, on essaie d'amener Léa Palermo, tu vois, je sais pas, En fait, qu'est-ce qu'on a envie d'aller faire à cette Burr Cup? Et j'ai pas la réponse. Et en fonction, t'adaptes. Alors évidemment que j'imagine qu'à part la Turquie ou la Bulgarie, on battra personne. Et encore, faut les avoir dans ta poule. Voilà. Je sais pas trop ce que t'en penses. Moi, j'avoue que j'ai peu d'espoir, même de gagner le moindre match. Maintenant, je me dis, quitte à donner de l'expérience à quelqu'un, autant aller le donner à... Je dis là, Anna Laurent, parce qu'elle était là au championnat d'Europe par équipe. Mais y a plein d'autres joueuses. Je pense à Agathe Cuevas, etc., qui pourraient mériter aussi d'aller à cette compétition. Ouais, carrément. Je pense que Léa Palermo, jamais de la vie, parce qu'elle ne rejouera pas en double dame. Delphine Delru, voilà. j'y crois pas des masses non plus. J'aimerais bien, évidemment. Tu la mets en double dame à deux avec une jeune. Je pense que ça peut être pas trop mal. J'y crois pas trop. J'espère. On verra ce que le staff de l'équipe de France décide de faire. En tout cas, Benoît, je suis hypé de fou pour cette Thomas Uber Cup. Déjà que souvent, je suis très chaud pour les compètes par équipe. Là, en plus, en Europe, avec une équipe française chez les hommes qui peut faire autre chose que de la figuration, j'avoue que j'ai très très hâte. Ouais, nos vacances au Danemark vont être sympas. Je tease. Ouais. Je prépare aussi ma copine qui, j'espère, écoutera cet épisode. Ouais, et alors, Horsens en plus, pas la ville la plus accessible du Danemark. On a déjà checké les cartes. On peut le dire. On a déjà checké les cartes. On a déjà checké les cartes. Ok, on enchaîne avec le nouveau système de points. Aimez-vous le badminton? Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Alors Benoît, ça va être rapide parce qu'on a déjà fait le débat, on va pas le refaire. La news, c'est quoi? C'est que après plusieurs tests que la BWF estime concluants, le nouveau système de points, donc pour les tournois internationaux en 3-7 de 15, à la place du 3-7 de 21 actuellement proposé, actuellement en vogue, non, je trouve pas le terme, on s'en fout, va être voté à l'Assemblée Générale de la BWF du samedi 25 avril prochain. Si je devais faire un prono, je dirais que ça va être accepté, mais la dernière fois, j'avais dit pareil pour les 7 de 11 et finalement, ça avait été refusé à une voix, on s'en souvient, on en avait parlé ici, Benoît. Ouais. Mais là, je pense que la table est un peu en train de tourner. Évidemment, la BWF fait de la propagande pour son idée parce qu'elle veut que ça change. Voilà, tout ce que j'ai à dire, Benoît, c'est que quand tu regardes les arguments proposés par la BWF, donc des matchs plus excitants et compétitifs, on arrive plus rapidement au point important, on fait des matchs plus courts et à la durée plus prévisible, donc en gros ça peut pas passer de match d'une demi-heure à un match d'une heure, donc pour les organisateurs c'est plus facile, et ensuite pour eux ça arrange tout le monde, c'est-à-dire les fans parce qu'ils voient des matchs de plus haut niveau, les hôtes de tournois, les officiels techniques, allez on met tout. Et Benoît, l'argument qui me dérange un peu, c'est qu'ils disent aussi, ah bah ça arrange aussi les joueurs parce que physiquement comme ça, ils joueront un peu moins de points et donc physiquement on va les épargner un peu. Quand tu vois que la BWF, Benoît, multiplie les tournois aux quatre coins de la planète et sanctionne les joueurs qui vont pas sur les plus gros tournois, comme d'ailleurs récemment Mia Blichfeldt et Anton Sen qui ont pris des amendes parce qu'ils sont pas allés à l'India Open, je trouve juste cet argument un peu osé. Alors, il n'est pas osé. Il justifie que, comme la BWF ne supprimera pas des tournois parce qu'il y a une question d'argent, et bah, du coup, on adopte une autre stratégie. Et on dit que c'est pour le bien des joueurs qu'on réduit le nombre de points. On va pas se voiler la face. Il y a des gens qui ont réfléchi en interne avant d'écrire ces arguments. On aurait pu aller les aider. Maintenant, le truc de dire... Non, mais c'est vrai, le truc de dire on réduit à 15 points, c'est pour le bien des joueurs, tout en sachant que nous, derrière, on n'est pas dupes. On a pas multiplié, mais on a augmenté le nombre de tournois aux quatre coins de la planète en rendant obligatoire encore plus de tournois qu'avant aux joueurs. Et on sait qu'on ne touchera pas à cette mesure. Ça veut dire qu'on ne touchera pas à l'argent. Donc les joueurs, on a été changer autre chose pour les aider. C'est un peu hypocrite, je dirais, à minima. Ouais, surtout que Benoît, lien avec les deuxièmes changements annoncés en 2027, ça va être un peu tout bouleversé. On refera évidemment des épisodes là-dessus fin 2026, je pense, puisque le circuit va être bouleversé. Les Super 1000 vont bien être allongés. Donc maintenant, ce sera sur 11 jours, je crois, plutôt qu'une semaine. Le Danemark, Benoît, qui passe de Super 750 à Super 1000. Ben non, on va pas se mentir pour le coup. Enfin, je sais pas s'il fallait en rajouter un cinquième. Mais s'il y avait un tournoi à mettre en Super 1000, je pense que le Danemark avait déjà un statut particulier parmi les 750. Donc ça, pour le coup, dans un pays de bad comme le Danemark, ça me choque pas trop que ce soit celui-là. Non, pareil, ça me choque pas, mais non, ça me choque pas. Ce qui m'a surpris un peu, c'est l'évolution de certains autres tournois. Maintenant, si on devait en ajouter un cinquième, ouais, je suis assez d'accord avec toi pour dire que c'était celui-ci. J'aurais aimé que ce soit Paris, mais c'est trop une culture de l'instant de dire que Paris aurait mérité de l'être par rapport au Danemark. Oui, effectivement. Voilà, les super 100 ont également été upgrade. On en reparlera, mais voilà, en 2027, le circuit que vous connaissez va changer. Pas trop de changements côté français, puisque les IFB restent sur du 750. Ils vont juste être passés sous pavillon Victor plutôt que Yonex. Et les Orléans Masters restent en Super 300, ce qui est déjà très très bien d'avoir ces deux tournois en France. Benoît, est-ce que tu veux un peu réagir à ces changements ? Comme j'ai dit, on en reparlera on en reparlera. Et en plus, c'est des débats qu'on a déjà fait, que ce soit le changement de format du circuit ou le changement de scoring. Ouais, effectivement, je relancerai aucun débat. Juste, moi, j'ai été déçu que l'Inde, je sais que mon soutien à Mia Blichfeld et Anderson Townsend ne changera rien, mais est toujours autant de tournois et surtout autant de tournois très hauts. Surtout, alors évidemment on n'est pas dupes, on a mentionné les questions d'argent et je les rementionne parce que c'est le nerf de la guerre et c'est clairement le nerf de la BWF. Aller downgrade, dégrader, je sais pas si on dit comme ça, le tournoi de Singapour de 750 à 500 pour donner à Hong Kong le grade de 750 de 500 à 750, je te le dis clairement, je trouve ça nul à chier. J'aurais donné 750 aux deux, j'aurais enlevé l'Inde, sachant qu'on sait à quel point les joueurs apprécient ces deux localisations, et surtout Singapour, pour des raisons qui me semblent assez évidentes par rapport à l'Inde, notamment au hasard. Je sais que c'est évidemment des questions au-delà du bien-être des joueurs, mais franchement, nul à chier d'avoir dégradé le tournoi de Singapour, surtout quand la BWF prétend écouter certaines revendications des joueurs. Oui, je suis d'accord. Après, je suis d'accord, mais pas très surpris, Benoît, à l'Inde. C'est un gros pays de bad. Ils vont avoir, t'imagines le message, genre ils vont avoir les championnats du monde cette année et tu peux pas faire ça. Ils sont beaucoup trop influents, ils ont beaucoup de thunes en plus. Donc voilà, on sait pourquoi, évidemment. Look at this, look at that. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Benoît, juste des petites news que je te balance et tu me dis ce que t'en penses. Carolina Marin qui a annoncé qu'elle se refaisait opérer du genou. Je crois que c'est sa quatrième opération du genou. Elle s'est fait opérer trois fois le genou droit, une fois à gauche. Et dans son message sur Instagram, elle annonce qu'elle privilégie son bien-être maintenant plutôt que le retour à la compétition. Donc elle ne le dit pas vraiment comme ça, mais en gros, moi, ce que je comprends, c'est que Je ne sais pas si elle annonce sa retraite, mais je pense que la probabilité de la revoir sur les terrains à haut niveau, en tout cas, vient de s'éloigner. Et Benoît, malgré le fait que c'est peut-être en simple dame, ma joueuse préférée de tous les temps, pour sa santé et pour voilà, la façon dont si elle veut marcher quand elle va vieillir, je pense qu'on peut penser que ce n'est qu'une bonne décision. Alors oui, il y a plusieurs trucs, c'est qu'elle donne pas vraiment la consistance de son opération, mais elle parle de ménisque et de 6 semaines d'arrêt. Du coup, je ne suis pas médecin et je sais qu'il y a à minima un médecin qui nous écoute, et s'il a plus de détails que ça, je serais ravi de le lire en commentaire et que vous lisiez aussi son analyse. Mais elle a pas été réopérée des croisés, si j'ai bien compris. On est sur 6 semaines d'arrêt, c'est plutôt opération des ménisques. Alors je sais pas, du ménisque, si, je sais pas s'il a été aspiré ou autre, mais pour l'avoir vécu, effectivement, son temps d'arrêt, sa rééduque correspond plutôt à ça. C'est quand même une opération minime par rapport à une ligamentoplastie, donc ce qu'elle avait eu avant. Maintenant, effectivement, elle a été opérée 3 fois des ligaments croisés. Je pense qu'à un moment, pour sa santé, à peine 30 piges, si elle a envie de faire des activités autres que le badminton, et je parle même pas de sport à haut niveau dans les 20 prochaines années, il y a un moment où il vaut mieux privilégier sa santé, effectivement. Moi, je ne l'ai pas forcément lu comme une retraite, je t'avoue, parce que je me suis dit que c'était une opération assez minime. Mais peut-être que c'est ce qu'elle sous-entendait aussi, voilà. Je ne sais pas. Moi, Benoît, c'est pas le fait qu'elle se fasse opérer, mais plutôt qu'elle dise que maintenant, le retour à la compétition n'est plus sa priorité. qu'elle va parce que avant ben non, on se souvient tous des images de elle se fait les croisés et deux semaines après elle est déjà en train de taper les volants avec le genou sur une chaise. Là, je pense qu'elle va éviter ce genre de truc quoi. Oui oui, c'est possible aussi qu'elle nous prépare à peut-être un peu moins de genre c'est plus la même Carolina Marin que ce que tu viens de décrire, t'as raison. Voilà. Donc on verra évidemment ça va maintenant reprendre du temps et on verra si elle revient sur les terrains. Oh my goodness. Dernier sujet, Benoît, pour alors une autre peut-être fin de carrière, mais pas pour les mêmes raisons. C'est Frédéric Segard. On voulait un peu en parler parce que c'est un peu une voix un peu discordante dans le monde du badminton. Donc vous savez qui est Frédéric Segard. Il a été dans l'équipe danoise chez les mecs pendant longtemps. Il a été ça faisait 4 ans qu'il jouait avec Rasmus Kjær. Ils ont été à un assez bon niveau, même s'ils étaient toujours un peu cantonnés à des rôles de numéro 2. Et en fait, ce qu'il raconte, un article très intéressant en anglais que je vous conseille sur le site de Badminton Europe, où en fait, il raconte qu'il a voulu faire un break après les derniers mondiaux à Paris, que pendant ce break, Rasmus Kjær, qui était son partenaire et son ami, a demandé à avoir un nouveau partenaire, donc l'a un peu jeté. Et en fait, il a dit que ce garde, il n'a pas voulu reprendre en fait parce qu'il était fatigué mentalement par la vie de joueur de haut niveau et que surtout qu'il investissait tout son temps et tout son argent dans le badminton et qu'en fait, il n'aimait même plus jouer. Donc, un vrai problème mental avec le badminton, mais voilà, c'était un gros blocage. Et du coup, il s'est dit qu'en fait, il n'allait pas revenir sur le circuit. Et du coup, il raconte qu'il joue plutôt comme sparring dans des pays comme l'Allemagne et l'Espagne, qu'il coach un peu partout. Il fait des matchs de championnat, notamment au Danemark. Et que pour l'instant, ça lui va et qu'il n'est pas sûr de revenir un jour sur le circuit. Mais non, on voulait au moins le mentionner parce que c'est assez intéressant d'avoir ce genre de témoignages qui sont. Il est, je pense, pas le seul dans cette situation, mais peu de personnes en parlent. Ouais, pas le seul, parce qu'il y en a d'autres qui en ont parlé et il y en a d'autres chez qui on peut imaginer des situations similaires quand on voit leur communication ou autre. Mais c'est peut-être un des rares à l'avoir fait autant à cœur ouvert, j'ai envie de te dire. Et franchement, ça fait de la peine parce que nous, on a dit qu'on avait toujours estimé qu'il n'était pas traité à sa juste valeur et je reste convaincu de ça par Badminton Denmark. Maintenant, ça a dépassé clairement ce cadre-là. Je crois qu'il a appris en fin d'année dernière qu'il allait être papa et il a aussi dit que ça avait été un élément déclencheur de ok, en fait, c'est plus ça ma priorité. Ils mettent tout mon argent déjà, mais ils mettent tout mon temps encore moins. Et au-delà de la dépression, enfin. Je ne sais pas si on peut parler de ce mot-là, mais en tout cas, on n'en était pas loin. En tout cas, dépression quand il rentrait sur un terrain de bad, je pense que oui. Et ouais, c'était important de le mentionner. Franchement, ça m'a fait de la peine. On voit qu'il n'a pas perdu son amour du bad parce qu'il continue quand même à en vivre par d'autres moyens. Mais tu vois, je ne sais pas, ce qu'il décrit et tout, c'est dur, hein, franchement. Et Benoît ça me fait repenser. Alors c'est pas la même situation, mais je me souviens de Zhang Beiwen qui elle parlait de la difficulté. Elle c'est différent, c'est qu'elle est un peu tout seule dans son pays. Du coup elle parlait de la difficulté de trouver des partenaires d'entraînement et de la solitude un peu sur le World Tour quand tu voyages comme ça. Et du coup je me dis il faudrait qu'on s'y penche. Je sais pas si ce sera par un podcast ou un autre moyen, mais un peu sur le côté un peu le revers de la médaille de la vie des joueurs sur le circuit, parce que quand t'es des joueurs de bad amateur comme toi ou moi, ça fait un peu rêver, tu vois, tu voyages, tu joues des tournois, tu peux te faire des potes dans les autres pays, mais il y a aussi le revers de la médaille et je pense que ce genre de sujet, ça mérite que des médias et nous aussi se penchent dessus, je pense. Je sais que ce genre de sujet ça t'intéresse aussi, donc je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais carrément, mais c'est vrai que c'est commun à tous les sports et nous on est un sport quand même très asiatique et globalement à part des joueurs américains comme tu as cité Zhang Beiwen, effectivement c'est à elle aussi qu'on avait pensé, ou Frédéric Segard, les paroles se libéreront pas en fait, parce qu'en Asie j'imagine pas un joueur chinois qui vienne nous faire la même déclat que Frédéric Segard à Badminton Asia, tu vois, par exemple. Donc c'est vrai que c'est quand même très, j'ai envie de te dire, limité. Mais ça ne concerne pas que le bad. Et effectivement, je suis assez d'accord pour dire que ça mériterait qu'on en parle. Peut-être en invitant une joueuse ou un joueur qui a connu ça ou qui connaît ça pour en parler. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que ça mériterait un sujet plus que les 5 minutes qu'on y aura accordé aujourd'hui. Voilà. Et Benoît, peut-être que les joueurs asiatiques parlent pas, mais quand je vois des joueurs chinois ou autres qui arrêtent le bad à 26 ans, je pense que des fois, il n'y a pas besoin d'en parler pour comprendre aussi, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que, comme tu l'as dit, ce sujet existe partout. Donc voilà, on reparlera de ce sujet. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse et si vous avez d'autres cas de joueurs qui vous viennent en tête dans le même, qui ont aussi parlé des difficultés de la vie de joueurs professionnels. Voilà, Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cet épisode ? N'hésite pas. Ouais, peut-être qu'on peut dire à nos auditrices et auditeurs et leur proposer, si ils ont des sujets de bad actu, je parle pas de sujets de fond, hein, je parle de vrais sujets qu'on peut traiter dans un bad actu, on prend les commentaires sur Insta, sur Discord, sur YouTube aussi. Exactement, tu fais bien de le préciser. Là, on a une grosse tournée européenne qui arrive, donc nos 4 prochaines semaines, ce sera évidemment du débrief de tournoi. Dans l'ordre, le German Open, le All England, le Swiss Open et le Orléans Masters. Mais voilà, on essaye maintenant de faire plus d'épisodes qui ne sont pas des débriefs de tournoi. C'est bad actu, ça en fait partie. Donc, comme vient de le dire Benoît, n'hésitez pas à nous proposer des idées de sujets. Parce que, évidemment, on essaye avec Benoît de se tenir un maximum au courant, mais on peut rater des choses éventuellement. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci à toi, Ewan, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du German Open. On espère que vous allez bien et que vous irez nous écouter. À la prochaine. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受着。